Histoire avec un S à Paris au Théâtre Antoine. Bonjour, c'est Franck Ferrand. Tous les jeudis, vendredis et samedis, je fais monter l'histoire sur scène et viens à votre rencontre pour 20 représentations exceptionnelles. Et chaque soir, c'est vous qui faites le programme. Retrouvez Franck Ferrand dans Histoire au Théâtre Antoine à Paris. Un spectacle Europe 1. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et Franck Ferrand, vous pouvez le noter dès maintenant, sera à Lyon après-demain, vendredi, pour une émission spéciale à l'occasion de la Fête des Lumières. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Venez nombreux pour cette émission en public consacrée au Lyon du temps de la Gaule romaine et des massacres des premiers chrétiens. Simplement, venez de bonne heure car mon engagement au théâtre en ce moment ne me permettra pas de faire cette émission lyonnaise en direct. Donc nous enregistrerons à 10h30 ce vendredi, 10h30 au Palais de la Mutualité. Pour plus de sûreté, je pense qu'il serait bien que vous vous inscriviez sur le site internet d'Europe 1. Et je pense qu'ils seront nombreux. Aujourd'hui, nous parlons de style et d'élégance. Il y aura bientôt 70 ans, un grand couturier français s'apprêtait à éblouir la planète de la mode. Vous nous parlez aujourd'hui de Christian Dior. Oui, et j'ai demandé à Yann Kerlot de nous rejoindre pour évoquer Monsieur Dior, dont je vais vous raconter les dernières années, celles qui sans doute ont le plus marqué son époque. Et après quoi, vous reviendrez sur l'enfance de ce grand couturier. Volontiers, sa jeunesse à Granville, à la Villa Les Reims, aujourd'hui transformé en un somptueux musée, nous irons nous promener dans le Cotentin, sur les bords venteux de la mer Manche. Assez revigorant tout ça. Europe 1, 14h-15h, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Matin du 12 février 1947, la température est glaciale à Paris, moins 6 degrés, au 30 de l'avenue Montaigne. Ça n'est pas loin de nos studios ça, mais à l'époque en 1947, Europe 1 n'existait pas encore. Au 30 de l'avenue Montaigne, devant l'entrée d'un hôtel particulier, un groupe de personnes est là qui bat le pavé. Les femmes portent des manteaux de vison, les hommes de grandes et somptueuses redingotes, et tout le monde a son carton d'invitation dans les mains. Dans des mains gantées, ai-je besoin de vous le dire. Une fois, à l'intérieur de l'hôtel particulier, les invités oublient leur longue attente au froid. Partout des fleurs, un parfum enivrant et puis cette décoration magnifique, un style Louis XVI au ton gris pâle et blanc, des cristaux, des appliques de bronze doré, des abat-jour plissés, rien n'a été laissé au hasard. Dans les salons, on peut reconnaître l'ambassadrice d'Angleterre à Paris, on peut reconnaître Louise de Villemorin, les actrices Marlène Dietrich, Rita Hayworth, Edwige Feuillère, et puis des comtesses, des princesses à tour de bras et Jean Cocteau et Jean Marais. À 10h30, le silence s'installe. Et le défilé va pouvoir commencer. Vous les voyez qui sortent. Les mannequins, elles portent des vestes cintrées aux épaules arrondies, ce qui met leur poitrine en valeur. Les jupes s'allongent, s'évasent comme des corolles, les robes frôlent le sol et ne laissent apparaître que les chevilles. On n'avait jamais vu une chose pareille. Et à la fin du défilé, un homme de 42 ans apparaît dans le grand salon sous des tonnerres d'applaudissements. Il a le visage rond, il n'a pas beaucoup de cheveux, les oreilles un peu décollées, un nez long, large, un grand front lisse. Il semble intimidé. Il s'appelle Christian Dior. Il esquisse un sourire, il est fier de ses mannequins qu'il appelle ses chéris. Le lendemain, on peut dire que toute la presse, et quand je dis toute la presse, c'est toute la presse du monde, Vogue en tête, va parler de ce défilé. Toute la presse du monde, sauf la presse française, parce que la presse française est en grève. On est en février 47, oui déjà. Février 47 sont les grandes grèves, vous savez, c'est l'époque Ramadi, etc. Bref, Carmel Snow du Harper's Bazaar va utiliser pour désigner la collection qu'a présenté Monsieur Dior le terme de « new look » et voilà un terme qui fera florès. En parallèle à son défilé, Dior a lancé un parfum Miss Dior et chaque invité a reçu son flacon, accompagné d'un mot personnalisé du couturier quand je vous dis que rien n'a été laissé au hasard. Au point de départ de ce défilé historique, il y a une rencontre déterminante quelques mois plus tôt. Christian Dior, on était là en juillet 46, Christian Dior se rend au 21 rue du Faubourg Poissonnière, au siège du comptoir de l'industrie cotonnière où il va rencontrer Marcel Boussac. Boussac alors est l'un des hommes les plus riches de France, un industriel du textile qui a fait fortune très jeune. 15 000 employés travaillent pour lui dans une vingtaine d'usines. Il est, disons-le, l'incarnation du self-made man à la française. Boussac a été impressionné par ce qu'il a entendu et vu déjà de Dior et il admire l'aplomb, l'ambition du couturier. Il travaille comme modéliste pour le grand couturier Lucien Lelon à cette époque, Dior. Pendant la guerre, il a créé des costumes pour le film Le lit à colonne, d'après le roman de Louise de Villemerin. On peut dire qu'il connaît un certain nombre de personnes à Paris, la rédactrice en chef de la mode du Vogue américain. On va y revenir tout à l'heure avec Yann Kerlot, bien sûr. Boussac voit en Christian Dior celui qui pourra lui permettre, lui l'industriel qui fait plutôt dans le textile bon marché, qui va lui permettre de faire une entrée dans le domaine du luxe, le domaine de la haute couture. N'oubliez pas, l'époque où nous sommes, juillet 46, on est juste au sortir de la guerre. Il faut tout recréer dans ce domaine. Et Boussac va donc financer la première collection de Dior. En 7 mois, vous imaginez le marathon. En 7 mois, Christian Dior crée le décor de sa maison de couture. Il forme un personnel entièrement nouveau. Il assure l'exécution des modèles par les ateliers. Il choisit les mannequins. Il conçoit le défilé. C'est un travail absolument pharaonique. Et dans le même temps, il achève la collection d'hiver et la demi-collection d'automne pour Lucien Lelon, pour lequel il continue de travailler. La société Christian Dior ne va être juridiquement créée que le 8 octobre 1946. Comment définir le travail de Christian Dior? Ça n'est sûrement pas à moi à le faire, je pense que Yann Kerlot nous aidera dans un instant. Mais ce qui est certain, c'est que ce monsieur veut la perfection. Il ne lésine absolument sur rien, ni la richesse des étoffes employées, ni le métrage d'ailleurs. N'oubliez pas que pendant la guerre, on a eu l'habitude de se restreindre, bien entendu, surtout. Et bien voilà que on utilise jusqu'à 3 mètres de tissu pour une jupe. Et on utilisait jusqu'à 3 mètres de tissu pour une jupe. Eh bien, Christian Dior va en utiliser bien davantage. On parle de 10 fois plus pour une robe, parfois 30 mètres de tissu en comptant la traîne. Dior dira plus tard, une robe, c'est une architecture éphémère destinée à exalter les proportions du corps féminin. Mon faible est une vocation d'architecte qui me fascine depuis l'enfance. De là, mon souci des robes achevées dans les moindres détails, car en matière d'élégance, le détail est aussi important que l'essentiel. Quand il est malheureux, il détruit tout l'ensemble. Et c'est vrai que le soin apporté aux détails dans cette collection présentée en 1947 est incroyable. Alors, utiliser autant de tissus, ça n'est pas simple. Hein. Évidemment, il faut le trouver, le tissu en question, en 1946-47. D'ailleurs, le new look, disons-le, ne fait pas entièrement l'unanimité. Un certain nombre de femmes mécontentes vont critiquer toutes celles qui portent des tenues new look. Ça passe pour du gaspillage dans cette époque de restriction. Dans les heures, dans les jours, dans les semaines qui suivent néanmoins ce premier défilé du 12 février 1947, on voit des acheteurs venus du monde entier, et notamment venus des États-Unis, déferler littéralement sur la boutique de l'avenue Montaigne. Les clientes s'arrachent le même modèle, le tailleur barre avec sa jaquette de couleur crème à basque arrondie, sa jupe plissée noire qui s'évase d'une façon très, très gracieuse. Devant leur affluence, se souviendra Christian Dior lui-même, il fallut élargir le palier, supprimer un ascenseur vénérable et charmant. Ce ne fut pas encore assez. Du palier, les envahisseurs débordèrent sur l'escalier dont chaque marche devint un gradin d'amphithéâtre aux places privilégiées. Vous imaginez ça? Du jour au lendemain, celui qui, quelques mois plus tôt, n'était encore qu'un inconnu, devient la célébrité, le grand homme d'un Paris en pleine renaissance. Un cas de figure dans l'histoire de la mode. un extrait de la musique qui accompagne le défilé Christian Dior dans le film Yves Saint Laurent, un film signé Jalil l'espère, avec bien sûr Pierre Niney. Et c'est une musique signée Ibrahim Malouf, dont vous reconnaissez bien sûr la trompette. Restez avec nous sur Europe 1. Franck Ferrand vous raconte l'histoire de Christian Dior cet après-midi. Et la suite, c'est dans un instant. Europe 1, au cœur de l'histoire. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et Franck, cet après-midi, vous nous parlez des 10 dernières années de la vie de Christian Dior. Nous sommes donc en 1947. Le grand couturier vient de présenter sa première collection, Corolle, aussi baptisée New Look par une journaliste américaine. Mais à quoi ressemble la mode française à cette époque ? Elle ressemble à un champ de ruines, disons les choses. Ah oui. On sort de ces 4 années d'occupation qui ont évidemment été terribles pour la mode, avec des restrictions. Vous savez, on avait les tickets de rationnement, etc. Le moindre mètre d'étoffe était compté, bien entendu. On avait d'ailleurs des matières qui n'étaient pas élégantes du tout. Et d'un seul coup, c'est une résurrection, avec Christian Dior bien sûr, mais aussi très bientôt avec Pierre Balmain, avec Pierre Cardin, avec toute une nouvelle génération de couturiers. Et cette collection s'appelle Corolle, ce n'est pas un hasard. Vous savez, je suis en train de feuilleter, j'étais sorti du fil de mon récit pour tout vous dire, pour feuilleter le monumental ouvrage consacré à Christian Dior par les éditions Assouline. Et je m'arrête à cette citation de Christian Dior, qui est en pleine page à côté d'une très belle photo montrant le mannequin René portant le tailleur Palais de Glace. Donc on est dans cette ligne Corolle de 1947. Et Dior nous dit « Je dessinais des femmes fleurs, épaules douces, bustes épanouies, taille fine comme liane et jupe large comme corolle. » C'est exactement ça. Ce sont des fleurs virevoltantes que propose Christian Dior à cette nouvelle époque, à vie d'élégance, de beauté, de légèreté. Imaginez, vous savez, ça, c'est ce qui va créer toute cette mode des années 50 avec ses jupes extrêmement larges. C'est Grace Kelly, bien entendu, dans les films d'Hitchcock. Voilà ce que dit Christian Dior dans Christian Dior et moi. Révolutionner la mode n'était pas mon dessein, mais réaliser honnêtement ce dont j'avais envie. Mon idéal était d'être classé bon faiseur, expression rien moins que tapageuse, dont j'apprécie ce qu'elle comporte d'honnêteté et de qualité. C'est sans doute d'une humilité un peu excessive ou forcée, mais il est certain qu'il y a cette dimension artisanale dans le travail de Dior. Dans Les Secrets de la mode, Yann Kerlot nous dit « Dior drape la France aux couleurs de l'audace. Ses atours ouvrent l'ère du faste retrouver. Son regard embrasse l'horizon. Derrière lui, les industriels du textile retrouvent une fièvre et une ferveur créative que la guerre avait ensevelie. Les soyeux de Lyon se remettent au travail, tandis qu'à Calais et à Bruges, les denteliers ne touchent plus terre. Un miracle s'est produit. » Et oui, vous savez, on a l'impression, après la Révolution, de voir renaître ces grandes commandes de l'Empire pour l'impératrice Joséphine et sur demande de Napoléon, où toutes les manufactures se remettent à plein régime pour fabriquer des centaines de mètres de soie fabuleuse. Mais c'est un petit peu ce qui se repasse au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, avec cette renommée d'un Christian Dior qui aujourd'hui, qui à l'époque dépasse largement les frontières. Il va présenter sa collection à Londres, dans les salons de la très belle ambassade de France, et puis aux États-Unis qu'il découvre à l'automne 47. Alors là, c'est un triomphe. Il enchaîne conférences, remises de prix, interviews dans tous les grands médias américains. Le nom de Dior est mentionné jusqu'à 1400 fois par mois dans la presse américaine, si l'on en croit l'Argus, et dire que 6 mois plus tôt, personne ne le connaissait. Alors Christian Dior donne son accord pour la création de produits dérivés, des bas, des pyjamas, des chaussures, des robes, des tailleurs made in USA. Il est le premier couturier à passer ce genre d'accord de licence. Ça va d'ailleurs donner une toute nouvelle dimension à la haute couture. Et puis quelques mois plus tard, une boutique Dior va ouvrir à New York, à l'angle de la 5e avenue évidemment et de la 57e rue. En novembre 48 se tient la première collection créée spécialement pour les Américaines. Et c'est pas tout. À la même période, on crée la société Christian Dior Parfum. Tout ça, évidemment, fait de Monsieur Dior un homme riche qui va acheter le moulin du Coudray à Milly-la-Forêt dans l'Essonne, où vit son ami Jean Cocteau, et s'adonner à ses plaisirs favoris, la musique avant tout peut-être, le jardin, qu'il a appris à connaître et à aimer dans son enfance, on y reviendra tout à l'heure. Les bons repas aussi, bien entendu, et puis les jeux de cartes. Sa fortune rapide le rend sans doute un peu plus capricieux, très exigeant. Il lui arrive d'entrer dans des colères noires quand un collaborateur n'est pas exactement habillé comme il aurait voulu, ou si au moment d'un événement quelconque, les buffets n'arrivent pas exactement à l'heure dite. Christian Dior, il faut vous le dire, est très, peut-être trop sollicité. Il va habiller Marlène Dietrich en 1950 pour le grand alibi d'Hitchcock. Et l'année suivante, c'est Elizabeth Bosleyan, c'est la reine, hein, l'épouse du roi George VI d'Angleterre, qui carrément lui demande de dessiner la robe que portera sa fille de 21 ans, la princesse Margaret, pour l'ouverture de la saison. Vous imaginez, c'est une consécration extraordinaire. Et puis, toutes les grandes commandes dans le monde entier, hein, des licences à Caracas, Mexico, Santiago du Chili, Cuba, Madrid, etc. Et en Australie et au Canada. Un petit dictionnaire de la mode va bientôt paraître, qui définit des catégories de robes, robes de jour, robes d'après-midi, robes de cocktail, robes de soirée. En 5 ans seulement, non seulement Christian Dior aura révolutionné la mode, mais il aura carrément créé des catégories qui fonctionnent encore presque 70 ans plus tard. Cet après-midi, Franck Ferrand vous emmène sur les traces de Christian Dior. Vous le savez, vous pouvez participer à l'émission jusqu'à 15h. Alors n'hésitez pas à nous envoyer vos messages ou vos questions sur les réseaux sociaux. Rendez-vous sur la page Facebook Au cœur de l'histoire ou sur Twitter avec le hashtag ACDH. Franck Ferrand revient dans un instant. Au cœur de l'histoire. Sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et cet après-midi, Franck, vous nous racontez les 10 dernières années de la vie de Christian Dior. En seulement 5 ans, depuis 1947, on l'a vu, il a révolutionné le monde de la robe. Il a créé des robes de jour, d'après-midi, de cocktail, de soirée. Oui, alors je continuais à feuilleter le bel album là, et on se rend compte évidemment que tout ça tend à évoluer avec le temps. À partir de 1953, les jupes de Dior se mettent à raccourcir, singulièrement d'ailleurs. Quelques mois plus tard, il va créer les lignes H, puis A et Y qui font disparaître la poitrine, les épaules, les hanches. La silhouette est de plus en plus fondée sur la longueur, sur l'amincissement du buste, et ça ne plaît pas à tout le monde. Françoise Giroux écrit « 7 ans de new look s'écroulèrent en 3 heures sous les yeux d'une assemblée pétrifiée pour faire place à la femme haricot vert. » Eh oui, mais c'est ce qu'il voulait. Vous savez, il faut devancer son temps, si je puis dire. Mais il y a des gens qui grincent des dents. Bien sûr, la journaliste Carmel Snow, dont je parlais tout à l'heure, est beaucoup moins enthousiaste qu'en 47. Elle parle de flat look, un look plat cette fois, et Life va titrer, en première page, planche à pain contre poitrine fournie à Paris. Bien sûr que certains emboîtent le pas de ces critiques et sont ravis de pouvoir enfin étrier un peu celui qui, depuis quelques années, les rend fous de jalousie. Et pourtant, Dior n'en est pas moins toujours à la tête de son empire. 5 immeubles, 28 ateliers, 1000 employés. Derrière le petit hôtel du début aux proportions duquel je ne toucherai pour un empire, écrira-t-il, s'élevait maintenant un immeuble de 8 étages, 8 ateliers que doublait un autre immeuble également de 8 étages, mais de 2 ateliers par étage. L'immeuble 613 rue François 1er était alors occupé par le contrôle économique. Il fallut le conquérir de haute lutte. Les parfums Christian Dior prirent place au premier étage, les bas Christian Dior au deuxième, et grandissant en âge, en hauteur, en surface, débordant à Paris sur les constructions voisines, la maison Christian Dior se frayait aussi son chemin à travers le monde. Vous voyez qu'il se gargarise lui-même, évidemment, de ce qui est une réussite absolument hors du commun. Le problème, c'est que ce rythme, cette frénésie, qui d'abord lui avait coûté une première alerte cardiaque en 47, vont lui en coûter une seconde en 54. Il est littéralement terrassé sur le Champ de Mars. Tout le monde lui conseille de s'arrêter, de prendre du repos. Mais Christian Dior en veut toujours plus. En avril 55, il marie sa nièce Françoise au comte Robert-Henri de Caumont-la-Force à l'église de la Madeleine. C'est une consécration, c'est une grande, grande fortune. En 1956, Il écrit donc cette autobiographie « Christian Dior et moi », on a connu un peu plus modeste évidemment. Il va faire la une de Time Magazine l'année suivante et ça n'arrête jamais. En 57, grande collection qui va elle encore faire beaucoup parler d'elle. Et cette fois-ci, on revient en quelque sorte à l'élégance avec une silhouette allongée mais délivrée des petites contraintes des deux saisons passées. Celui qui est à la manœuvre maintenant, c'est celui qui travaille depuis 2 ans pour Christian Dior, le jeune Yves Saint-Laurent, qui plus tard dira de lui « Dior est un magnifique tableau que l'on accroche au mur ». C'est un compliment à double entente. Toujours est-il que Christian Dior en fait toujours plus, toujours. Le 23 octobre 1957, il est à Monte Cassini en Italie, il est en train de se reposer, c'est en même temps une cure pour perdre du poids, et soudain, il est victime d'une crise cardiaque, encore une, c'est la troisième là en 10 ans, sauf que cette fois, Christian Dior terrassé ne va pas se réveiller, il meurt à 52 ans. Les obsèques de Christian Dior à Saint-Honoré-des-Laux ont été un grand moment de cette année 1957. 2000 personnes, le gratin de la planète, vient dire un dernier au revoir à Christian Dior. L'orgue continue ses accords solennels, son âme omniprésente. C'est comme si Christian Dior lui-même, sa badine à la main, avait été le chef d'orchestre de ses adieux, écrira dans sa biographie de Christian Dior Marie-France Pochna. C'est vrai que tout le monde est là, princesse royale, bégum, reine du tout Paris et du tout ailleurs. Les survivants, nous dit-elle, d'un monde pétillant d'esprit et d'élégance qui s'est offert un sursis en brillant de ses derniers feux dans une succession de dîners exquis, de fêtes costumées et de bals à thème. Et vous connaissez peut-être des personnes qui ont fait partie de la bonne, de la haute société de cette époque. Tout le monde a encore une nostalgie intense de ces années 50, de ce tout début des années 60, où effectivement, je pense qu'on a essayé de rattraper le temps perdu. Période infiniment éclatante. Christian Dior en aura sans doute été le chef d'orchestre. Il en est aujourd'hui, il en demeure l'emblème. Bonjour Yann Carlo. Bonjour. Dès qu'il est question de style, d'élégance, de mode, c'est à vous que nous demandons des éclaircissements. Vous allez nous les donner dans un instant. Au cœur de l'histoire. Sur Europe 1. Europe 1. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et c'est une plongée au cœur de l'histoire de la mode que vous nous proposez cet après-midi, Franck Ferrand, puisque vous nous emmenez sur les traces de Christian Dior. Nous sommes dans les années 40, 50, 60 et on parle de tout cet univers avec votre invité, Yann Carlo, écrivain qui a notamment travaillé pour les groupes Yves Saint Laurent et Gucci, dont il a été le directeur général délégué. Et Yann Carlo va nous aider à y voir plus clair dans la personnalité assez secrète, somme toute, de Christian Dior. La mode n'a pas besoin d'être directement accessible, disait le couturier. Il suffit qu'elle soit présente. Là où elle passe, même avec retard, même avec contretemps, elle préserve les droits de la fantaisie et entretient la frivolité. La maintenance de la mode est une manifestation de foi dans ce siècle qui s'essaie à détruire un à un tous ses secrets, qui se nourrit de fausses confidences et de révélations fabriquées. Elle est l'incarnation même du mystère et la meilleure preuve de son sortilège et qu'on n'en a jamais tant parlé. C'est vrai que ça a été sans doute l'un des grands engouements de cette période. La mode faisait partie de la vie sociale beaucoup plus qu'aujourd'hui, Yann Carlo. Dans les années 45, 50, 55, elle est au cœur des conversations. C'est tout à fait juste, mais je voudrais peut-être ajouter quelque chose. C'est qu'il a dit aussi, à un moment donné, quand il est arrivé à New York et qu'il a été assailli par les journalistes, on lui a demandé ce que c'était qu'un couturier. Et il a dit, mais les couturiers sont les derniers refuges du merveilleux. Et je trouve que cette phrase illustre à la fois l'ambition qu'avait Christian Dior et qu'il a toujours eu à partir du moment où Marcel Boussac lui a confié les rênes de son affaire en l'autorisant et en le finançant pour qu'il puisse monter cette maison de couture. Et il faut peut-être se dire que cette destinée qui est comme une sorte de météore qui va arriver sur la scène de la mode va durer 10 ans et elle va correspondre à tous les rêves que les couturiers ou les artistes pourraient former, à savoir que quelqu'un vous finance, mais d'une manière totalement extravagante pour l'époque, et dans un, on pourrait appeler ça presque un désert de la couture qui suit les 6 années de guerre qui ont été terribles et en même temps vont apporter une vraie renaissance à la mode en France. Parce que Chanel a disparu pendant la période de la guerre, ce qui apparaît lié aussi pour d'autres raisons, puisqu'elle est partie à New York et elle va s'occuper... Elle n'avait pas fermé sa boutique. Non, elle n'avait pas fermé sa boutique, mais elle va s'occuper surtout de financer les maisons de couture qui restent ou qui pourraient subsister. Et puis, pour moi, il y a un fossé gigantesque entre faire des dessins pour Lucien Lelon ou pour Robert Piguet comme il les avait fait, et tout d'un coup, avoir en main la destinée d'une maison auto-créée par un inconnu, car il est totalement un inconnu. Mais en même temps, et ça va être sa grande force, il s'appuie sur Marcel Boussac, qui est donc le fondateur du centre cotonnier, que tout le monde connaît, qui emploie des dizaines de milliers de personnes, vous l'avez rappelé, et tout d'un coup il va être propulsé, mais il le fera très prudemment puisqu'il a déjà tout un réseau d'amis assez en vue, et je pense en particulier bien sûr à Cocteau dont vous avez dit un petit mot, mais également à Boris Cochenot, à des gens comme Pierre Gaxotte, l'historien, et quelques autres, Henri Sauguet, le musicien. Donc tous ces gens-là vont être très proches de lui. Il y a aussi Christian Bérard qui est illustrateur et qui vont parler de lui et qui vont amener au fond une sorte de rumeur qui fait que quand le 12 février 47, la première collection a lieu, il y a déjà les gens, en tout cas de presse... Tout était préparé, le terrain était préparé. Oui, c'est préparé, ça va donc faire l'effet d'un coup de tonnerre, mais ce coup de tonnerre, il est quand même savamment orchestré, peut-être pas par les médias français qui, comme vous l'avez rappelé, étaient en grève à ce moment-là, mais en tout cas par les Américains. Et ce sont les Américains qui vont faire la réputation de Dior. C'est ça. Et notamment Harper's Bazaar, enfin toutes les grandes revues Vogue, Harper's Bazaar, etc. Donc tous les grands qui vont tout d'un coup trouver que cette France qui a été une France meurtrie au dernier degré et tout d'un coup la France du renouveau. Oui, elle va continuer de donner le ton. Ça c'est tout à fait extraordinaire. Ça c'est vraiment en grande partie à Dior qu'on le doit. Alors je l'ai décrit dans ce récit comme un homme suractif qui ne s'arrête jamais, qui en veut toujours davantage. Et c'est vrai que dans sa fameuse autobiographie tellement critiqué, il a tendance à être un peu satisfait de l'immense succès qu'il a rencontré. Ça peut se comprendre, vous me direz. Est-ce qu'il était arriviste ou est-ce qu'il était simplement hyperactif? Alors, je pense qu'il avait une volonté réelle de parvenir à la renommée, sans dire la gloire qui serait peut-être un petit peu exagérée. C'était un immense travailleur, mais c'était surtout un homme extraordinairement discret et au fond assez modeste, qui n'avait pas tellement confiance en lui, parce que il faut tout de même savoir que ses parents n'auraient jamais aimé l'idée qu'il fût un couturier. Sa mère le destinait à la diplomatie, donc la diplomatie, il en faut beaucoup pour travailler dans les groupes de luxe. Une forme de complexe social peut-être, auquel vient s'ajouter un tabou qui est celui de l'homosexualité, bien entendu, hein. Alors, il y avait toute cette partie de sa vie privée qui restait toujours extraordinairement discrète, dont il n'a jamais parlé. Il faut dire que nous sommes dans les années 50 et que ce n'est pas tellement tendance de s'annoncer comme homosexuel. Personne ne le fait à cette époque. On n'en parle pas. Il y a quelques livres qui sont écrits là-dessus. Mais il n'y a pas réellement de droit de cité ou même de droit d'exister pour les couturiers, qu'ils soient homosexuels ou qu'ils ne le soient pas. Et donc, je pense que le destin de Dior, ça va être de se raccrocher d'une certaine façon un milieu social qui sera celui du tout Paris ou du tout New York, et en même temps, eh bien, vous avez évoqué tout à l'heure l'alliance de sa nièce avec un Comment la Force, ça va être une sorte d'ascension, une sorte d'ascension sociale, et qui va rejoindre au fond les prétentions qu'avaient ses parents, qui ont été son père a été un grand industriel qui avait fait fortune dans les phosphates et les engrais, et sa mère avait pour ses enfants de très très grandes ambitions. Elle avait sans doute transmis une part de ses ambitions à Christian Dior. On le voit constamment, c'est un homme d'affaires, incontestablement, c'est un homme d'entreprise. Il est à la tête d'un empire. C'est comme ça qu'il envisage le développement de sa maison. Alors, il est à la tête d'un empire sur le plan de la mode et aussi sur un plan, je dirais, plus privé. Il va n'avoir de cesse que d'acheter plusieurs propriétés. Vous avez cité le moulin du Coudray, il y a eu le château de la Colle Noire, qui est dans le Midi. Et au fond, ce château de la Colle Noire, il va vouloir en faire quelque chose de tout à fait hors du commun, un bassin de 48 mètres de long, un salon de 20 mètres de long, etc., etc. Et donc, ça va être toujours avec le dessein, non pas de montrer à tout le monde ce qu'il est devenu, mais plutôt de se donner un cadre qui va lui convenir. Il va vouloir que ce cadre, et sera toujours ce mélange assez intéressant au fond dans sa personnalité, de modestie et de raffinement. Oui, et une sûreté de goût comme on n'en a quasiment jamais vu. C'est Brummel réincarné. Il sait ce qui convient ou ce qui ne convient pas. C'est peut-être aussi l'origine de ses impatiences qu'on a eu tendance à lui reprocher. Il s'énerve assez vite, il s'impatiente, mais parce que pour lui, les choses sont évidentes, alors qu'elles ne le sont pas forcément pour ceux qui travaillent avec lui. Je crois, si vous voulez, que ce goût de la perfection, il est inhérent à tous les couturiers. Et alors, ils ont quand même l'épreuve des collections, qui est une sorte de baccalauréat permanent, qui revient deux fois par an. Et donc là, il faut non seulement faire une excellente collection, mais il faut qu'elle ait une très bonne presse, et après, il faut vendre. Mmh. Et donc, quand vous avez derrière vous un actionnaire aussi puissant que Marcel Boussac, ce n'est pas parce que Marcel Boussac fait partie des 10 premières fortunes d'Europe à ce moment-là, qu'il va permettre à Dior de fléchir et de ne pas avoir le succès qu'il rencontrera dès la première année. Alors d'où venait-il ce Christian Dior? Quelles avaient été les années de sa formation? C'est ce que nous allons voir ensemble dans un instant, Yann Kerlo. Au cœur de l'histoire. Sur Europe 1. Europe 1. Europe 1. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Caméramen, photographe, c'est leur hache. Fissez vos zooms, vite rechargez vos flashs. Dans une vague de salive, regardez qui nous arrive. Les craquantes, celles qui font se déboutonner les yeux. Celles qui font se déboussoler les pieux. Celles qui éclatent comme des mines au milieu de mon magazine. Oh, les craquantes. Croquez-moi, croquez-moi, vous qui pourtant de l'ange ne m'êtes que qu'un croquis. Croquez-moi, craquez-moi, dans votre chambre noire je pousse mon Les craquantes de Claude Nougaro à l'instant sur Europe 1. Et on parle de mode puisqu'on revient sur l'histoire et la vie de Christian Dior. Avec votre invité Franck Ferrand, vous recevez Yann Kerlo. Il est écrivain et il a notamment travaillé pour les groupes Yves Saint Laurent et Gucci, dont il a été directeur délégué général. Et Yann Kerlo est l'auteur des Secrets de la mode chez Perrin, paru il y a 2 ou 3 ans. Et on retrouve cette année en collection Tempus, la collection de poche des éditions Perrin, les dynasties du luxe dont nous avions eu l'occasion déjà de parler à ce micro, Yann Kerlo. Alors, d'où vient Yves Saint-Laurent, pardon, d'où vient Christian Dior? Puisque nous avons vu le monsieur déjà fait, si je puis dire, ayant déjà accédé à une forme de maturité, quelle a été son enfance? Il vient de Normandie, il faut le dire, hein, il vient du Cotentin, de Granville. Alors il est né d'abord à Granville, ses parents, son père est industriel, il s'est associé avec son cousin dans une affaire de phosphate dont on ne parle pas tellement au départ de la vie de Christian Dior, mais qui pourtant va assurer à ses parents une réelle fortune. Mmh. Et il naît donc dans un milieu plus qu'aisé, il faut le dire. Il naît dans un milieu plus qu'aisé, mais c'est une fortune qui va avoir une croissance tout à fait exponentielle à partir du moment où son père Maurice Dior va s'associer avec un de ses cousins qui va avoir une carrière également politique assez importante. Il sera député de la Manche, il sera ministre du commerce et de l'industrie. Et donc ça va faciliter au fond le changement de la vie de Madeleine Dior, de son mari et de leurs 5 enfants, puisqu'ils auront 5 enfants. C'est quand même une enfance assez idéale, disons-le. On est à la belle époque, en tout cas pour cette partie de la population, c'est même la très belle époque. En 1905, donc, Christian Dior vient au monde. 2 ans plus tard, ses parents emménagent dans cette somptueuse villa qui est sur un promontoire dominant la mer, la villa des Rums, et c'est là que Christian va s'éveiller à la vie, va s'éveiller à la conscience. Il va surtout conserver de cette maison d'enfance un souvenir tout à fait comme si c'était quelque chose d'exceptionnel. Vous avez dit c'est une très belle maison, elle est face aux îles Chausey. C'est une maison qu'on pourrait appeler un peu bourgeoise. Carrément, oui. Carrément, oui, dans les roses. Et Madeleine Dior, la mère du couturier, va vouloir qu'on dessine un parc. Elle va avoir des ambitions importantes puisque au départ ils étaient avec son mari avant la naissance de Christian, ils avaient un appartement dans Granville. Et là, tout d'un coup, il y a un goût de la campagne et en même temps, quelques années plus tard, un goût de Paris. Parce que Maurice Dior, compte tenu de la réussite de ses affaires industrielles, du fait qu'il a maintenant plusieurs usines, notamment dans l'Ouest français, où on va fabriquer des produits de lessive, comme la lessive Saint-Marc, qui est leur invention, également la Javel, qu'on appellera ensuite Javel Lacroix. Donc, tout ça donne beaucoup, beaucoup d'argent, ça fait beaucoup de rentrées. Et il décide donc d'installer son affaire, un siège social à Paris, rue d'Athènes, et immédiatement dans la foulée, en 1910, d'acheter un appartement rue Albéric Magnard à la Muette. Alors donc, c'est en fait, si vous voulez, un déplacement d'une famille provinciale de la très bonne bourgeoisie, tout d'un coup à Paris, avec, et ça c'est ce qui va au fond, avec très toujours, important. Toujours un pied à Granville, si je puis dire, parce que désormais les Rums sont la villa de vacances. Donc les Rums deviennent la villa de vacances, la résidence secondaire dont tous les Français rêvent, et dès qu'ils ont 3 sous de côté à l'époque, ils achètent immédiatement quelque chose, en général sur la côte normande, ce qui sera le cas de la famille Dior. Et en fait, ce qui va être très important, c'est que ça va être aussi le berceau de l'imagination de Christian Dior, ça je crois que c'est tout à fait essentiel de le dire. En même temps, ça va lui donner ce goût de la campagne, ce goût des fleurs qu'il tient de sa mère, puisque cette villa des Rums va être extraordinairement fleurie et elle va suivre l'ascension de la famille. Donc elle va être bien meublée. Il dira d'ailleurs dans la montée d'escalier des Rums, il y avait les okusai qui ont bercé mon enfance, qui ont été le décor de mon enfance. Quel raffinement quand même. Tout ça, il est né dans le chaudron d'une certaine manière. À Paris, on voit Christian fréquenter un certain nombre de gens très lancés. Il va devenir l'ami d'Éric Satie, l'ami de Jean Cocteau, etc. Très tôt, dans les années 20, en fait. Il est tout jeune, il a 22, 23 ans. Alors, il y a quelque chose aussi qui va l'aider, c'est que au lieu de... D'abord, il s'inscrit à Sciences Po, c'est pas nécessairement ce qui va l'aider beaucoup, non. Puisqu'il va se décourager très vite de ses études, et il ne sera donc pas le diplomate dont sa mère avait rêvé. Mais ce qui est important, c'est que il va entrer dans une galerie d'art, qui est la galerie de Jacques Bonjean, ce Jacques Bonjean qui va devenir un excellent marchand d'art, et au fond, ça va ouvrir les yeux de Christian Dior sur la peinture. Alors, il va commencer à s'intéresser à des toile, mais ce n'était pas sa branche au départ. Il aurait pu être un dilettante comme il y en avait tant dans cette époque, sauf qu'arrive la crise de 29. Simultanément, son frère cadet est interné en hôpital psychiatrique. Sa mère va mourir en 1932. Son père, qui a perdu beaucoup d'argent dans la crise, sombre lui-même dans une forme de dépression. Il va vendre la propriété. Enfin, c'est un peu une descente aux enfers et ça va obliger Christian à travailler. C'est comme ça qu'il devient modéliste chez Robert Piguet dont vous parliez, hein. Oui, alors effectivement, l'année 31, c'est l'année du grand choc, mais avant, il y a eu un pré-choc qui a été la grande crise de 29, où la famille va perdre la totalité de sa fortune. Et c'est donc, vraiment, quand vous dites descente aux enfers, c'est un choc, c'est un cataclysme pour toute la famille. Et on peut dire en quelque sorte que cette extraordinaire réussite dont nous avons parlé était peut-être d'une certaine manière une revanche de Christian Dior sur les difficultés de cette jeunesse. Il a été cisaillé, si je puis dire, en plein vol comme ça au début des années 30. Et on peut aussi ajouter qu'en 1934, lui-même a un très gros pépin de santé puisqu'il est atteint de tuberculose. Et alors, comme il n'a pas beaucoup d'argent et sa famille non plus, ses amis vont se cotiser pour lui offrir donc une cure à Cambo dans les Pyrénées. Alors, nous partons, non pas pour Cambo, mais pour Granville. Dans un instant, on va visiter les Rums. Au cœur de l'histoire. Sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Franck Ferrand. Et comme chaque jour, juste avant 15h, il est temps de finir cette émission par une jolie balade. On va au bord de la mer, nous emmener dans la Manche. Agitée, là. Ouais, c'est ça. Ce sont des paquets de mer qui s'écrasent sur la digue de Granville. Granville avec son acropole de granit face aux îles Chausey, ses vieilles maisons du 18e, à la fois si austères et si belles. On l'a appelée, à la belle époque, la petite Monaco du Nord. Il reste aujourd'hui un casino à Granville, d'ailleurs. Alors, il se trouve qu'en ce moment, les deux musées, le musée d'art moderne et le musée d'art et d'histoire sont fermés, l'un pour travaux et l'autre parce que c'est la saison. Mais vous pouvez toujours vous rendre, évidemment, au musée Christian Dior, puisqu'il est, lui, ouvert toute l'année, de 9h à 17h à cette saison. Et ce musée Christian Dior se trouve dans la somptueuse villa Les Reims. Voilà ce que disait Christian Dior de cette maison. Il disait « C'est la maison de mon enfance. J'en garde le souvenir le plus tendre et le plus émerveillé. Que dis-je ? Ma vie, mon style doivent presque tout à sa situation et à son architecture. » On peut dire, Yann Kerlo, qu'on retrouve vraiment Christian Dior dans cette maison, dans cette villa Les Reims. On le retrouve dans les couleurs. Oui, parce que le choix exemple. Des couleurs, oui, oui. C'est un rose buvard et puis un gris pâle. Des couleurs presque méridionales, en fait. Oui, mais pour lui, ce sont des couleurs du Nord. Alors c'est ça qui est assez singulier, mais il va quand même aussi beaucoup aimer le Nord, comme on l'a dit il y a quelques instants, avec l'autre propriété de la Colle Noire, que celle-là, il l'achètera. Ce ne sera pas la maison de ses parents. Mais il va effectivement y puiser une force qui va être une partie de son talent. Alors en ce moment, et jusqu'au 5 mars 2017, on peut visiter à la Villa Les Reims une exposition qui s'appelle « Une maison des collections ». Et puis il y a toutes les collections conservées évidemment dans ce musée et qui ont été restaurées, qui sont entretenues par l'association Présence de Christian Dior depuis la fondation du musée. On y voit tous les aspects d'ailleurs de la création de Dior. Hein. Pas seulement, on pourrait imaginer qu'on va avoir des modèles de robes, qu'on va avoir que de la couture, mais il est question aussi de création de joaillerie, il est question de parfumerie, il est question d'un univers. C'est ça en fait Christian Dior, c'est tout un ensemble, c'est tout un univers. C'est devenu un univers, mais ça l'a été très vite, puisque vous avez rappelé qu'au moment de la collection de 1947, la première collection, il y avait eu le premier parfum Miss Dior qu'il avait en fait dédié à sa sœur Catherine, qui venait d'avoir des épreuves terribles puisqu'elle avait été déportée à Ravensbrück. Il avait donc fait ce parfum en hommage à sa sœur. Merci beaucoup Yann Kerlo. Je renvoie nos auditeurs à vos plus récents ouvrages, Les secrets de la mode et les dynasties du luxe chez Perrin. Et puis, il y a donc ce gros et beau livre qui doit peser quelque chose comme 5 ou 6 kilos, je pense. Dior par Christian Dior, 1947-1957. Des textes d'Olivier Saillard et des photos de Laziz Amani. C'est chez Assouline.